Marbillez vos factures, réservez vos frères, courez maintenant. Avec les farines animales, vous êtes belles. Avec mes chers enfants. Fin du monde. Sortie nationale le 12. Voulez-vous en savoir moins? Réservez vos places au grand lobotomisateur le plus proche de chez vous. Ma femme est délicieuse grâce à son succulent cœur de fromage et sa chapelure. Voulez-vous en savoir plus? Voulez-vous en savoir plus?